que le supramental nous fait expérimenter toutes sortes de conneries pour subir des chocs qu'on appelle le fameux coup de pied au cul, n'est-ce pas la meilleure façon de comprendre et de se réaliser pleinement et de jouir de la vie afin d'arriver à une transformation d'égoïsme? Bon, quand la corde de raide nous arrive en pleine face et que le supramental nous fait expérimenter toutes sortes de conneries, le supramental ne fait pas expérimenter rien, c'est de l'énergie, c'est l'humain qui expérimente toutes sortes de conneries. Puis l'humain, il expérimente parce qu'il est manipulé par ses mémoires astrales. Bon, alors voilà, qu'on appelle le fameux coup de pied au cul, n'est-ce pas la meilleure façon? Ce n'est pas la meilleure façon, c'est l'une des deux façons. Tantôt, tu mentionnais deux façons. T'avais le clapet qui ouvrait. La bonne puis la moins bonne. La bonne et la moins bonne. Ensuite, on s'est quitté là-dessus. Le clapet qui ouvre à cause d'écœurement, puis le clapet qui ouvre par la négociation. Si j'ai bien compris. Oui. Il y a toujours des dangers. Ben ça, je ne l'ai pas posé la question. C'est qu'à un moment donné, l'individu ne sait pas s'il travaille avec le clapet de l'ajusteur de pensée ou s'il travaille avec l'aide contrôle, donc le clapet du canal réincarnationnel. Alors, c'est sûr que si tu ouvres le mauvais clapet, ça rentre. Mais comment tu fais pour savoir lequel des deux clapets t'es en train d'ouvrir? Premièrement, il faut savoir qu'il y a un clapet, ça ne veut pas avant aujourd'hui. Bon, ben ça, c'est pas nécessaire que tu le saches pour l'ouvrir. Mais comment... Avant qu'on explique à un enfant comment son système digestif est fait, il digérait pareil. Comment tu fais pour en ouvrir le plus facile? C'est-à-dire celui qui va te donner la vie la plus facile. La question est très mal posée. OK, je recommence. Il y a quoi de vie plus facile à chercher? La moins pire. Non plus. La moins pire, c'est quoi? C'est d'être ancien, c'est d'être traditionnel, c'est d'être catholique, juif, mormon ou Krishna. La moins pire, c'est d'être dans le système total, puis la moins pire, c'est de travailler pour un patron, gagner sa vie toute sa vie, puis avoir des enfants, puis avoir une femme ou un mari, puis jamais se divorcer, même si tu taillis. Puis c'est la moins pire, c'est tu te sens bien, tu dors bien, puis c'est pas pire. Ça, c'est la moins pire. Quand tu commences à te poser des questions, à te demander si tu fais bien, à te demander si tu as la bonne place, à te demander si c'est le bon mari ou la bonne femme, à te demander si tes enfants devraient changer d'école ou pas, à te demander si ils sont normales ou bien non, si ils sont pas normales, à te demander si c'est correct, tu penses même, à te demander si tu changes de religion ou non, à te demander si Dieu existe ou pas. C'est quand tu commences à te demander si t'es bien ou pas bien. J'appelle pas ça mieux. C'est évident que après, il y a deux façons d'évoluer. Il y a celle où tu sens le bulldozer qui vient pousser, tu n'as tellement pas de faire pousser que tu cours en avant. Mais ça, c'est la façon très évoluée, c'est celle que l'on fait, présentement. Celle que les gens qui se conscientisent font. Ça, c'est de la plaisante ou de la pas plaisante? Non, il n'y a pas question de plaisante, pas plaisante. L'individu chiale toujours. Tu gagnes des millions, c'est passé, là, tu as gagné 6 millions, bon. C'est jamais plaisant. C'est une farce. Il n'y a pas d'évolution plaisante. Il y a une évolution qui est moins souffrante. Tu vas dire, ouais, mais c'est moins souffrant, c'est plus plaisant. Non. Sinon, si tu cours pas en avant du bulldozer, t'arrêtes, tu vas te pousser, c'est que t'es mis Là, tu es dans la collectivité, fait que là, tu peux te dire, ben au moins, on y va tous, on évolue tous, on est tous pareils, on se tient entre nous. C'est pas moins souffrant, mais je veux dire, tu mets ça en collectivité. Mais là, c'est plus plaisant. Okay. Mais l'évolution, l'évolution réelle, c'est pas une question de plaisant. Pour arriver à ouvrir le clapet, on peut le faire, comme on disait tantôt, par anégorisation ou par écœurement. Écœurement psychologique. Écœurement psychologique. Le fait d'écouter, tantôt tu m'as dit, non, c'est pas toi qui m'as dit ça, c'est moi qui ai dit que je jetterais toutes mes cassettes. Mais le fait d'avoir écouté un paquet de conférences, d'avoir écouté un paquet de cassettes, ça m'a amené à un niveau d'écœurement que je considère plus élevé aujourd'hui qu'il y était avant. Oui, ça sert à ça, les conférences. Les conférences, ça sert premièrement à mettre de l'information qui ne nuit pas à la compréhension, quoique bien souvent l'individu, et là ce soir il est informé aussi, quoique bien souvent l'individu va tourner uniquement autour de ce qu'il a appris, plutôt que de se servir de ce qu'il a appris comme base pour pouvoir, par la suite, créer son propre canal. L'individu se sert des briques pour triper sur les briques plutôt que de s'en servir pour bâtir quelque chose. C'est une chose. Donc, les personnes qui viennent aux conférences ne viennent pas perdre leur temps. L'individu qui... On dit spirituellement, mais c'est quand même vrai, que c'est la vie qui est le meilleur maître. Sauf que la vie t'amène de l'expérience. Quand tu rencontres un être humain, ça fait partie de la vie, c'est aussi une expérience. Et on va dire, oui, mais il me manipule. C'est la vie, c'est l'expérience, c'est pas l'humain qui te manipule. Quelqu'un qui vient à une conférence, il vient pas, ça fait partie de son expérience de vie. Bon, s'il décide de ne plus venir, ça fait partie de son expérience de vie. S'il décide de venir, ça fait partie de son expérience de vie. La conférence, c'est comme un accident d'automobile, ou encore, c'est comme gagner la loterie, ça dépend comment tu le vois. Mais la conférence, c'est comme... c'est une expérience. Par contre, il y a des expériences qui t'amènent plus d'informations. Dans l'information, il peut y avoir beaucoup plus d'énergie. Tu peux manger une pomme, qui est une pomme, et qui te nourrit presque pas. Tu peux aussi manger une pomme, qui est une pomme, mais qui, elle, soit qu'elle procède d'agriculture biologique, soit qu'elle a plus de nutriments chez elle que le corps a besoin. Tu manges, dans les deux cas, une pomme, mais il y a une des deux pommes qui te nourrit drôlement plus. Les conférences, c'est similaire à cela. C'est-à-dire que ça permet à l'individu d'avoir de l'information. L'information, même s'il l'apprend, a quand même le privilège de venir transformer les vieilles formes de l'ego. Donc, il vient briser des formes de façon douce, quand même, je ne suis pas violent. Enfin, pour certains, je le suis beaucoup, mais disons qu'en majorité, je ne le suis pas trop. Et ces formes viennent, ces formes brisées, les archétypes brisés permettent à l'humain de néotyper sa structure psychologique. Cela veut dire que ça lui permet d'envisager progressivement la vie en fonction de quelque chose de neuf, donc d'accepter le nouveau, même s'il ne détruit pas totalement le vieux et le passé. Donc, au niveau de l'information, c'est quelque chose. Mais l'individu ne doit pas considérer, l'ego de l'individu ne doit pas penser qu'un jour il s'en sortira uniquement parce qu'il vient en conférence. Si les conférences ont une utilité en fonction du fait qu'ils défendent l'ego, il y a aussi une autre utilité, celle de l'énergie. C'est-à-dire que dans la conférence, l'individu ne ramasse pas uniquement de l'information orale, il ramasse aussi énormément d'énergie. Qu'est-ce que c'est l'énergie? C'est tout ce qu'il n'a pas appris. Tout ce qui, autrement dit, lorsqu'il sort d'ici, il se dit « Ouais, mais je ne me rappelle pas tout à fait là, comment, qu'est-ce qu'il dit, puis ça. » Ah! Ça va facilement devenir de la compréhension à un moment donné. Ça ne fait pas partie de son apprentissage, donc il ne l'a pas appris. C'est d'ailleurs pourquoi je parle toujours relativement vite. Il ne l'a pas appris, il n'a pas eu le temps de l'apprendre. Par contre, c'est rentré quelque part chez lui. Le contenant, le véhicule, le mot, sera facilement démoli pour libérer l'énergie qui est dedans. Et l'individu, progressivement, s'écarte. Il comprend des choses, il ne comprend pas tout. Il comprend des choses et ça fait partie donc de la structure qu'on a dit ici. Que l'énergie descende par un canal collectif ou que l'énergie descende par un agiteur de pensée qui est individuel, l'énergie descend quand même. Progressivement, ça peut aller l'individu en écœurement. Ce qu'on apprend pendant les conférences, ça va pas aussi ouvrir les yeux pour t'écœurer un peu plus vite. C'est-à-dire, pas comprendre, mais avoir appris la mécanique, ça te met en... C'est ce que ça fait, mais la problématique, évidemment, c'est qu'une conférence que je donne s'adresse au mental, surtout. Oh, c'est évident qu'elle a de l'effet au niveau de l'ego, mais elle s'adresse au mental, je parle au mental, je ne parle pas à l'ego de l'humain. Si je parlerais à l'ego de l'humain, je serais spirituel, j'aurais une voix différente, je mettrais du baume sur les cœurs, j'aurais plein de belles paraboles intéressantes, je ferais des références, je dirais constamment que vous êtes beau et bon, etc. Puis il y a des foules. Je m'adresse au mental de l'humain, je m'adresse uniquement aux humains capables d'écouter ce que j'ai à dire du point de vue mental. Je m'adresse seulement au mental de l'humain et nécessairement, c'est au mental, c'est à chaque mental, à chaque être humain, de dire à son ego s'il a besoin de s'il revient ou s'il ne revient pas à une conférence, s'il fait ou s'il ne fait pas le séminaire, etc. Mais moi, je ne vends pas, je vends au mental, mais le mental n'achète rien, ce n'est pas un acheteur. Tout à l'heure, je le dis toi-même, c'est l'ego qui doit prendre les clés, qui doit se geler un peu, prendre l'automobile, s'en venir ici. Bon, le mental va être dynamisé, mais ça reste que c'est la psychologie qui doit devenir une conférence. Et dans cette conférence, elle aura peut-être un petit peu de trip lorsqu'elle verra des petites formes changer dedans. Il y a des égos qui trippent là-dessus. Bon. Mais le reste de la conférence, ça reste au niveau du mental. Quand l'individu s'en va, il peut se dire, bon, ben, à soir, c'était pas assez trippant, hein, ceci, c'était ça, au niveau de l'ego. Ou encore, ben là, je suis curieux, tu sais, la façon dont. Bon, on s'en va. Ça reste de l'ego. Mais je ne m'adresse pas à l'ego de l'humain, mais je m'adresse au mental de l'humain. Et nécessairement, on ne peut pas considérer qu'il y a énormément de mental qui sont les maîtres contrôleurs. Nécessairement, on ne peut pas considérer qu'on ne peut pas s'attendre à ce que je loue le stade olympique d'ici quelques mois. Mais quand l'ego comprend qu'il faut... Peut-être louer, mais il n'y aura personne dedans. quand l'ego accepte le fait qu'il faut qu'il apprenne beaucoup pour s'écœurer plus vite, pour comprendre, là, il l'accepte. Je l'accepte là pendant que tu me le dis. C'est ton mental qui l'accepte, c'est pas ton ego. Bon, mais comment le mental fait pour en convaincre l'ego, pour que ensuite, comme on disait tantôt, c'est l'ego qui doit embarquer dans le. Ben, il y a deux façons. Il y a le carottissement, c'est-à-dire qu'on met des carottes en avant. Et les carottes sont réelles. On a parlé des concepts à un moment donné. Les concepts sont réels aussi. L'individu peut décider qu'effectivement, l'immortalisation de sa conscience se fait par le double éthérique, mais nécessairement, pour cela, il faut que l'ego y croie. Si l'ego est dans une phase intellectuelle de possession astralo-mentale, il ne croit à rien. Donc, nécessairement, tout ce que tu vas lui amener ne sert à rien. Dans la forme, ça sert énergétiquement. Ça sert à rien à la forme. La problématique, c'est que là, le mental n'aura pas de structure pour pouvoir programmer l'ego pour que l'ego se déplace. Pourquoi? Parce que l'ego va toujours penser que ça fait partie de la croyance. Et c'est vrai. Sauf que l'ego, l'ego ne considérera pas que le mental est là pour le préserver de croyances inutilisables. Ça, l'ego ne le sait pas. Alors, l'ego aura peur. L'autre façon, c'est que le mental prenne le dessus, que le mental, c'est le mental qui sort le corps physique de la maison, que c'est le mental qui prenne l'autobus ou l'automobile, que l'ego chiale, transpire, sécrète ou quoi que ce soit. Comme dans les séminaires, les gens qui s'inscrivent, bien souvent, les gens, quand ce qu'ils me disent le matin, c'est que « Ah, ça a été dur, j'ai failli pas venir, que ça, chore, il est là. » Bon, c'est ça. Alors, tu vois, je suis pas menteur. Et il y a des gens qui se reconnaissent. Et là, une fois qu'ils sont rendus là, ils ne savent pas trop pourquoi ils sont rendus là. Bon, il y en a même qui ont sécrété énormément, qui ne savaient pas finalement qu'ils sont inscrits, puis ils ne voulaient pas s'inscrire, parce que c'est l'ego qui ne veut pas. Le mental finit par prendre le dessus et faire quelque chose. Les individus qui ont fait le séminaire, il n'y en a pas un qui le regrette. Bon, c'est pas mortifiant non plus. Ça l'aide, c'est intéressant, ça va. Bon, sauf que c'est le mental qui doit prendre le dessus. Et c'est évident que si on voudrait... Moi, je suis un mauvais publiciste parce que s'il y a un pays, par exemple, qui crève de faim, eh bien, je vais dire aux gens, il y a des êtres humains qui crèvent de faim, puis ce serait écologique de les aider. Envoyez vos dons le 5$ à telle adresse. Bon, et on va y recevoir. Tandis que le collègue à côté, lui, il prend eh bien, une photo d'un enfant à poil extrêmement maigre avec les yeux qui pendent du bout du nez, puis il présente ça à la télévision. Envoyez ce que vous voulez. Là, il reçoit un paquet de 500$ pour qu'on paye le gars pour qu'il ôte la maudite photo de la télévision. Émotivement, l'humain se sent correct. Là, il y a l'illusion, évidemment, qui va lui dire, ben, c'est parce que je donnais à des êtres humains que je connais pas. Voyons, non, tu donnes de la marde à des êtres humains que tu connais pas, tu t'envoies pas de l'argent. Là, c'était pour qu'on élimine la souffrance, qu'on élimine la culpabilité. Si moi, je m'adresse au mental de l'humain, nécessairement, je m'adresse au mental de l'humain. De ce fait, si l'humain est encore manipulé par ses cordes émotives, ses cordes astrales, cordes psychologiques, je m'adresse à pas beaucoup d'humains à la fois. Sauf que ça ne change rien, parce que tout ce que je dis est astralisé. Astralisé, ça vient nourrir les dieux. Nourrissant les dieux, ça nourrit l'humain, sauf que l'humain ne s'en rend pas compte. C'est un cheminement beaucoup plus long, un cheminement qui va amener l'humain à l'écœurement aussi, un écœurement qui peut être souffrant. C'est pas nécessaire de souffrir, je le dis encore. Donc, c'est évident que l'énergie supramentale, elle peut faire en sorte que l'individu se charrie, soit vous soit charrié. L'individu va souffrir, l'individu va s'écœurer, encore une fois, il faut faire attention. On peut apprendre tellement qu'on doit être écœuré d'être écœuré que finalement on tolère l'écœurement de l'écœurement. C'est pourquoi je dis que l'être humain doit comprendre. Et l'être humain peut comprendre à n'importe quel niveau de l'écœurement. L'être humain peut comprendre des choses. Tout ce que je dis, c'est pour me permettre d'arriver à certaines choses. Et ça permet à différents humains de parvenir aussi à la compréhension. On n'arrivera pas tous à la compréhension par les mêmes chemins. On n'arrivera pas tous à la même expression de la compréhension. On va arriver tous à la même compréhension. Mais pas à la même expression de la compréhension. Par contre, l'individu qui chemine dans l'écoute, par exemple, de conférences, de cassettes, les cassettes, c'est intéressant, c'est mieux encore le vivant, mais il y a plus, un petit peu plus d'énergie. Les farces sont plus drôles, tu sais, quand tu écoutes la cassette, c'est bon. En tout cas, j'ai jamais écouté de cassette, ça remarque, je peux pas te dire, mais... N'empêche, c'est un bon système de son, si tu veux remettre la chose. Sauf que l'individu qui ramasse de l'information qui structure son astral, sauf qu'encore une fois, c'est le mental qui doit prendre le dessus pour venir, parce que la forme de la conférence, la forme de la communication s'adresse uniquement au corps mental, ça ne s'adresse pas au corps psychologique, donc ça ne s'adresse pas au corps émotif. Ce qui fait que la majorité des individus ne sont pas émotivement attachés à moi. Il y en a toujours quelques-uns qui le sont, mais ça, on ne peut pas tout changer non plus. Mais ça évite que beaucoup d'individus finissent par être totalement manipulés par ma présence et par ce que je dis. Non seulement n'apprennent rien, ne comprennent rien, mais suivent aveuglément. De ce fait, en parlant uniquement au corps mental de l'individu, on élimine 99% de ce genre de problématiques, mais on élimine aussi 99% des individus. Comment faire le ménage? Quand nous avons le pouvoir de se désassujettir des entités existantes en nous, est-ce que le processus de la fusion se met à l'œuvre automatiquement? Donc, avant de procéder à la fusion, il faut commencer par créer deux corps. Donc, il y a le corps physique, c'est déjà créé. Il y a la conscience lucide qui à un moment donné, s'incarne du monde de la mort, c'est déjà créé. Et il faut nécessairement avoir un double éthérique. Bon. Il faut aussi que l'ego diminue suffisamment pour que le mental crée une centricité sur lui-même suffisante pour attirer la matière constituant le double éthérique. Quand nous avons le pouvoir de... Bon, premièrement, ce n'est pas une question de pouvoir. Le pouvoir, c'est de l'ego. On pourrait mettre la puissance quand on parle du mental. Quand nous avons la puissance de se désassujettir des entités existantes, eh bien, quand on a la puissance de s'en désassujettir, c'est qu'ils sont déjà partis. Le travail est relativement facile. C'est pas... Quand tu peux le faire, c'est fait. Est-ce que le processus de la fusion se met à l'œuvre automatiquement? Le processus de la fusion se mettra à l'œuvre automatiquement quand l'individu sera totalement capable d'avoir une liberté dans son mental, c'est-à-dire lorsque tout ce qui est animal humain ne viendra plus colorer la vision mentale de l'individu. Alors, le processus de fusion se met automatiquement en branle. L'âme qui se laisse posséder le fait-elle par nécessité? L'âme ou l'homme? L'âme. L'âme qui se laisse posséder par nécessité. Oui, mais c'est même pas besoin d'être nécessaire, c'est mécanique. Le mental et sa puissance est-il conséquentiel à l'expérience de l'âme, à sa diversité expérientielle? Non, l'intellectualisme, l'intellect peut être conséquentiel à cela. Le mental, ça peut provenir de beaucoup de choses. Ça provient de la génétique, ça provient de l'énergie, de la réincarnation, ça provient de toute expérience énergétique qui sera accumulée au travers de la vie, mais pas au travers de l'expérience émotive ni astrale. Ce n'est pas non plus au travers de l'expérience, c'est au travers de la vie. C'est-à-dire qu'au niveau du mental, on n'expérimente pas. Quand tu survoltes l'accumulateur de ton automobile, elle ne ramasse pas d'expérience. Elle expérimente le survoltage, mais c'est pas ça qui va remettre le courant dedans. Le survoltage de l'énergie, l'accumulateur de l'automobile expérimente le survoltage, mais ce qui fait que ça devient efficace de survolter une batterie, un accumulateur, c'est l'énergie, c'est l'électricité qu'on va transfuser dedans. Au niveau du mental, le mental ne vit pas de l'expérience, il vit de l'énergification qui, vu que ce n'est pas de l'expérience pour lui, il ne le sait pas. Pour l'ego, pour l'âme, c'est de l'expérience. Comme c'est de l'expérience, il saura qu'il vient de se faire énergiser ou encore énergifier. Mais le mental ne vit pas d'expérience. Donc, il cumule de l'énergie au travers de la vie, au travers d'un déplacement dans le temps, mais pas au niveau de l'expérience. L'astral est-il un concept nommé pour identifier ce qui s'oppose à la libération de l'être-té d'un individu? La personne connaît la réponse. Que je réponds plus. Il y en a peut-être d'autres qui ne connaissent pas la réponse. Ah ben, ils poseront la question. Quelqu'un me dit, de toute façon, tu vas mourir, alors autant faire le travail de négociation. Moi, je sais ce que j'ai à faire, mais est-il possible qu'au lieu de fondre, l'ego explose et que si j'en meurs, alors que si je fais le travail plus lentement, je risque de mieux réussir, mais aussi de ne pas réussir, ou si de toute façon, il n'existe pas de rythme pour la négociation. On dit, est-ce que c'est possible que ce soit tout possible? Non, c'est... Est-ce qu'il y a du danger? Qu'il y a du danger? Ça, c'est le genre de question que tu poses, c'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Si on va trop vite, là, c'est dangereux qu'on se tue, mais si on va pas assez vite, les coups, on n'arrive pas. Mais si on va trop vite, on va peut-être réussir, mais si on va pas assez vite, peut-être qu'on va dire... Et qu'est-ce que... Oui, la personne a déjà fait rire, qu'est-ce que je fais? Premièrement, l'être humain continue à faire ce qu'il fait. C'est des choses très faciles, il ne peut pas faire autrement, et c'est mieux. C'est-à-dire que l'être humain souffre à l'intérieur de lui, l'être humain peut changer certaines choses, l'être humain dans le début doit et peut parvenir à une liberté au niveau de sa conscience. Ça ne veut pas dire qu'il a une liberté au niveau matériel, pas pour l'instant. S'il devient conscientisable, il restera sur la corde raide, mais il aura une liberté au niveau de la conscience. Ayant une liberté au niveau de la conscience, progressivement, il va s'obliger, donc il va obliger sa conscience, à ne plus se faire colorer par l'émotivité, par la vision émotive de l'univers, la vision émotive de lui-même, de la vie, etc. De ce fait, il a un mental de plus en plus lucide, ce qui va lui permettre de voir les choses de plus en plus près de la réalité et non pas continuellement au niveau de la vérité. Progressivement, l'être humain qui fait cela, nécessairement, ce n'est pas une question de rapidité, c'est une question de s'arranger pour vivre, pour évoluer confortablement. Quand on évolue, plus l'évolution est confortable, et ça n'a rien à voir avec la vitesse du déplacement. Tu peux te déplacer très rapidement dans un train, comme tu peux te déplacer très rapidement attaché, puis à l'extérieur du train, c'est rail. Tu te déplaces dans les deux cas à la même vitesse. Dans un des cas, tu es confortable, puis tu rites l'autre qui est dehors. Puis dans l'autre cas, tu es inconfortable, puis tu maudis le gars qui est en dedans. Bon, s'il te reste des dents pour le faire. Ce que l'on doit comprendre, donc, c'est qu'effectivement, vouloir aller trop vite, ce n'est pas bon. Vouloir aller plus lentement que trop vite, ce n'est pas bon. C'est vouloir qui n'est pas bon. Parce que vouloir, c'est la vision émotive d'une réalité faussée, donc c'est l'acceptation de l'illusion que l'être humain a du libre-arbitre. Vouloir, c'est un grand problème, parce que vouloir, ça peut engendrer la culpabilité chez l'humain, parce que si l'humain voulait aller trop vite, s'il se casse la gueule, il va penser que c'est de sa faute, alors qu'il allait à la vitesse qu'il devait aller. Il n'a pas compris les choses, et parce qu'il n'a pas compris les choses, il vit cela comme un cassage de gueule. Si l'humain décide, il dit « je veux aller plus lentement », s'il ne peut pas aller plus lentement, il n'ira pas plus lentement. Alors il va vivre la désillusion de son libre-arbitre, il va se rendre compte qu'il doit maintenant supporter le poids psychologique de la découverte qu'il est manipulé. Mais là, il va peut-être comprendre, et c'est souffrant s'il n'a pas tout compris. si l'humain il décide de vouloir aller lentement et que finalement il va lentement, c'est parce que de toute façon il aurait ralenti, ce n'était pas nécessaire qu'il veuille. Et là, il y a un problème, c'est qu'en ralentissant, s'il se casse la gueule encore une fois, il va encore penser que c'est parce qu'il a voulu ralentir, qu'il aurait fait mieux d'aller vite, puis ceci, puis ça. Donc il continue à souffrir. Et parce qu'il continue continuellement à souffrir, l'être humain met énormément d'énergie dans la recherche de la compréhension de sa souffrance, alors qu'il devrait mettre d'énergie dans d'autres choses. Il devrait mettre énergie dans la cessation de la souffrance, non pas dans la compréhension du pourquoi je souffre. Si on enlève le vouloir, est-ce qu'on enlève automatiquement la culpabilité? Ben, si on enlève, c'est une grosse partie de la culpabilité. Absolument. Et c'est évident. Qu'est-ce que l'anti-anti-homme? Ben, l'anti-anti-homme, c'est le concept qui lutte contre l'anti-homme. Hein? C'est l'anti-anti-homme. Est-ce que c'est l'homme, l'anti-anti-homme? Une grande partie de l'anti-anti-homme, c'est l'homme. C'est comme l'anti-anti-matière, c'est la matière. Je suis mince, mais j'ai un ego obèse. Ficelé, il apprend plein de choses en espérant les comprendre pour se sentir moins étranglé. La conséquence, c'est qu'il grossit encore et renforce l'impression très désagréable d'un étranglement. Je sais maintenant que j'ai passé ma vie sans rien comprendre et je doute même que je comprenne cela très bien. Quelque chose capote en moi et j'ai peur que le bébé soit emporté avec l'eau du bain. J'ai un ego qui se sent extrêmement médiocre et supérieur au sein d'un immense vide. Et mon ego a peur. Bon, c'est déjà intéressant au moins, c'est que c'est son ego qui a peur, c'est pas elle. Ça, c'est déjà un grand pas de fait. Puis il y a une maudite nuance entre le mental et l'astral, ce qui fait qu'effectivement le mental n'a pas peur. Le mental observe des choses. Tout ce que le mental observe, l'ego s'en accapare. C'est ce qui crée le grand stress au niveau de l'ego. C'est encore une fois facile à dire, c'est difficile à faire pour la majorité des humains. C'est que on doit, ça c'est de l'écœurement, ce qui n'est pas mauvais. La personne qui, il faut faire comprendre une chose aussi, c'est que la personne qui pose la question, elle se rend compte subitement, bon, qu'elle n'a peut-être jamais rien compris, et elle n'est pas sûre encore de le comprendre. La façon dont la question est écrite, elle comprend sans doute, en tout cas ce soir, lorsqu'elle a écrit la question, elle comprenait énormément de choses. Sauf que l'ego médiocre refusait l'idée que peut-être il comprenait. Peut-être que toute sa vie, il n'a rien compris, mais est-ce que ça prend 25 ans pour comprendre quelque chose? Non, ça prend qu'on ne le comprenait pas, puis paf, on le comprend. C'est simple. Ça prend peut-être 25 ans pour essayer de le comprendre. Pour le comprendre, ça prend l'instantané. Bon, ça fait 20 minutes que tu veux comprendre des problèmes de mathématiques. Quand tu le comprends là, paf, ah, c'est ça! Oui, c'est pas les 20 minutes, c'est du niaisage. Tu sais, la compréhension ne s'étire pas dans le temps. Donc, la personne, elle a peut-être démenti tout ce qu'elle dit, simplement en le disant comme elle l'a dit. Le fait ben, l'ego médiocre fait ça, c'est le fait de l'écrire, justement, de le mettre sur papier, soit ou de le communiquer verbalement ou de l'écrire, est-ce que ça fait en sorte qu'on doit souvent trouver nous-mêmes la réponse au moment où on écrit la question? C'est comme la parole, c'est beaucoup plus rapide de parler que d'écrire, mais il faut que l'individu développe sa parole. C'est sûr qu'ici, c'est préférable de l'écrire parce que si on veut écouter les questions sur les cassettes, c'est bon que quelqu'un les lise. Mais dans le quotidien, quelqu'un qui a une question qui l'embarrasse, qui le fatigue, il pourrait s'asseoir puis prendre un bout de papier puis l'écrire au lieu de le penser, je veux dire. Oui, absolument. L'individu peut s'asseoir, peut l'écrire, etc. Il peut aussi le parler, sauf que l'individu devrait simplement oublier son problème. Mais il ne peut pas. Alors, il peut l'écrire et il aura la solution là. Dans la question ici, on sent énormément d'anégoïsation. Donc, la personne, si son maudit ego veut croire ce qui est écrit là-dessus, son ego vient encore de se faire fourrer. Si l'ego croyait qu'il comprenait, il s'était fait fourrer. Si l'ego croit maintenant qu'il n'a pas compris, c'est peut-être vrai. Si l'ego croit maintenant qu'il ne comprend pas plus, il se fait encore fourrer. Faisons un ego. C'est grave. Tu dis que le Baptiste a été un MTS. Par la suite, cet ajusteur devait être expérimenté. Il a possédé par la suite quelqu'un d'autre. Un ajusteur peut donc être expérimenté et imposer son identité à quelqu'un. Pourquoi le Nazaréen n'a-t-il pas vécu ce phénomène? Le Nazaréen, c'est l'association, c'est le nom ésotérique, c'est l'association de Jésus et de l'énergie christique, qui est l'énergie supramentale à l'époque, l'Esprit-Saint. Alors, le Nazaréen n'a pas vécu cela, Jésus a vécu la même chose. Si l'ajusteur de pensée est déjà le paramètre vital du double, le double est donc déjà présent avant l'incarnation, et ce n'est pas l'incarnation qui le crée. Quel rapport y a-t-il entre l'achèvement du double et le canal ajusteur? Non, le double éthérique n'existe pas avant que le fou. Le double éthérique n'existe pas, non. Vous savez, quand on parle du plastique, et beaucoup de matières plastiques qui viennent du pétrole. Donc, le plastique, c'est du pétrole. Pourquoi on ne dit pas que c'est du pétrole? C'est parce que si on dirait que c'est du pétrole, bien, il y aurait des problèmes à un moment donné. Il faut mettre du pétrole dans l'automobile. Mais là, ce n'est pas du pétrole brut que tu mets dans l'automobile. C'est du mazout. Du sans-plomb ou du Tupperware? Oui, c'est ça. Alors, il y a différents termes parce qu'on parle de raffinement. Plus c'est raffiné, on parle de raffinerie, plus c'est raffiné, plus les mots changent. Les mots deviennent raffinés. Le double éthérique, c'est l'enveloppe du mental. Le double éthérique, c'est la structure subatomique qui permet la gestion d'un corps vital qui va finalement engendrer l'expression dans la forme d'un corps de matière. Bon. C'est l'enveloppe de l'âme. L'enveloppe de l'âme, on a dit souvent que c'était aussi un séraphin lorsque c'était évolué, c'était un chérubin lorsque c'était évolué. C'est des termes intéressants, bon. On peut finir par se faire un double éthérique, et par le double éthérique, on a accès à des transports séraphiques. Bon. Nécessairement, le double éthérique existe déjà, sauf que le double éthérique, dans l'existence actuelle, c'est un double vital. C'est un double éthérique vital, donc c'est un double belzébutien. C'est un double qui maintient la structure atomique d'un corps physique. Ce n'est pas un double éthérique en ce sens qu'il n'a pas à l'intérieur suffisamment de gestion d'intelligence pour qu'on le considère comme un troisième cerveau ou encore pour qu'on le considère comme étant le préservateur de la conscience lucide. Autrement dit, lorsque le corps de chair meurt, lorsque le double éthérique vital corporel décolle, il ne peut conserver l'âme. Il ne peut conserver la conscience lucide. Il touche le monde de la mort, il s'évase dessus et l'âme gagne le monde de la mort pour être dissous dans le monde de la mort. Lorsque l'on parle de la création d'un double éthérique, l'ajusteur de pensée, tous les individus ont un canal ajusteur de pensée à l'instant où ils ont une parole, sauf que l'ajusteur de pensée qui part de l'âme, donc qui part du double éthérique, se relie lui-même au canal réincarnationnel. Donc l'ajusteur de pensée ne sert absolument à rien. Lorsque l'individu, dans une phase de son évolution, détache son ajusteur de pensée du canal réincarnationnel, il le libère dans le plan moronciel. Donc il n'a pas de contact supramental présentement, mais il a une forme de contact énergétique. Bon, on en parle surtout au niveau des séminaires, c'est plus de temps. Lorsque l'individu vit cela, il est maintenant conscientisable, il est supramentalisable, donc il est, transportable, non terrestrifiable. Et lorsque l'individu vit cela, progressivement, il va recréer une forme similaire à ce qu'il est du point de vue physique, dans le plan moronciel, à même l'énergie de son âme. Et on a déjà aussi expliqué que l'ego et la négociation, ça engendrait l'épaississement du périsprit qui est l'enveloppe de l'âme. Donc, qui est finalement le double éthérique corporel, et que lorsqu'il y avait suffisamment d'énergie, lorsque le périsprit était suffisamment épais, ça coupait l'individu des manipulations astrales, et lorsque c'était suffisamment épais, l'excédent était rejeté dans le plan moronciel, donc par le canal, dans le plan moronciel, là, ça commençait à créer un double conforme au corps physique, conforme qui, lorsque le corps physique va mourir, va recevoir la conscience suscite de l'individu dans le plan moronciel, dans le double éthérique, un double éthérique moronciel, plutôt que de laisser la conscience lucide gagner le monde de la mort pour faire des entités spirituelles. Donc, et ça existe avant, sauf que ce n'est pas, c'est comme le pétrole, ça existe, mais ce n'est pas du plastique. Est-ce l'individu qui est possédé par le supra-astralisé? C'est les deux. Est-ce qu'il peut se prendre pour un dieu? Et celui-ci va-t-il être dans l'avenir récupérable par l'évolution de l'intelligence? L'énergie supramentale est possédée par l'homme et l'homme est possédé par l'énergie supramentale, au niveau de l'astral supramental, c'est les deux. Les deux s'auto-manipulent. Est-ce que l'homme peut se prendre pour un dieu? L'homme peut se prendre pour n'importe quoi. Est-ce que Dieu peut se prendre pour un homme? Ça arrive de temps en temps que les dieux se prennent pour des hommes. D'ailleurs, c'est même très fréquent. Alors, ils s'imaginent qu'ils souffrent, ils s'imaginent qu'ils doivent dire à l'homme, vous devez me dire que vous m'aimez, parce que sinon, il ne le sait pas. Ils disent à l'homme, eh bien, vous devez me faire des cadeaux, parce que sinon, je ne sais pas quelle est la valeur de votre affection. Ils disent aussi à l'homme, vous devez respecter mes commandements, sinon, je vais vous haïr. Ah, je ne vous haïrai pas, mais c'est de l'homme à faire. C'est la même chose. Alors, il parle à l'homme, il se prend pour un homme. Les dieux astrales se prennent souvent pour des humains. Ils sont jaloux d'un autre dieu, tu sais, c'est la bonne parole, la bonne vérité. Si tu te trompes de religion, ah ah, quelle est la bonne religion? Ah, cherche. Alors, l'individu peut se prendre pour un dieu, sauf que l'individu qui se prend pour un dieu est nécessairement un dieu. Un dieu astral. Alors, vous aviez saisi la nuance. L'individu qui devient divin ne le sait pas. C'est les autres qui vont lui dire. Il ne croira pas. Ah, ben non, il ne croira pas. Évidemment, fie-toi sur la fausse humilité. La journée qu'il va croire qu'effectivement qu'il est en fusion, eh bien, il saura qu'il n'est pas un dieu, mais il saura que pour eux autres, il peut facilement être un dieu. Alors, il saura qu'il devra mettre des paramètres assez puissants contre l'émotivité humaine pour que les humains ne l'étranglent pas dans leur amour, avec leur amour. Parce que l'amour de l'humain, c'est un amour de têtage. Hein? On aime un dieu qui vous répond, on aime un dieu qui nous exauce, on n'aime pas les dieux qui nous exaucent pas. Alors, quand tu... Dieu, c'est quoi Dieu? Dieu, ça devrait être l'esclave parfait. Tu sais, je vais offrir des cierges. Puis quand j'ai fait offrir suffisamment de cierges, eh bien, il devrait y avoir une guérison quelque part dans la famille. Sinon, je ne comprends pas ce qui arrive. Pourtant, je lui donne ce qu'il veut. Tu sais, c'est comme un chien de Pavlov, Dieu, pour la majorité des humains. C'est... Imagine-toi que les humains sont capables d'être suffisamment en contradiction pour adorer un Dieu qui est apparemment plus puissant qu'eux, qui supposément sait même avant que l'humain demande ce que l'humain a besoin, qui aime l'humain, puis les humains passent le temps à demander des paquets d'affaires comme si Dieu oubliait tout bout de champ. D'ailleurs, l'humain, à un moment donné, change de religion, change de Dieu. Puis finalement, il finit par penser que peut-être qu'il faudrait qu'il regarde chez lui un peu mieux. Est-ce que tout dans l'évolution va être récupéré par l'esprit mental en son temps? Ben, en son temps, ça c'est évident, récupéré par le plan supramental, pas nécessairement, parce qu'à un moment donné, c'est l'être humain qui va récupérer la majorité des choses. L'être humain qui sera en contact avec son esprit, qui est le plan supramental, c'est l'être humain qui va récupérer les choses. Ce n'est pas l'énergie supramentale qui récupère. L'énergie supramentale, ça ne récupère pas, ça ne descend pas, ça ne monte pas, c'est là. Parce que c'est là, c'est comme de la chaleur solaire. Le soleil, est-ce que l'énergie du soleil veut sauver l'homme? Non. Elle ne sait même pas que l'homme est là. Et la preuve qu'elle ne veut pas sauver l'homme, c'est qu'elle rayonne sur tous les azimuts. C'est pas concentré pour réchauffer la planète Terre, puis quand elle est en orbite autour, l'énergie solaire tourne avec. Ça rayonne partout. Si vous savez la quantité de photons et l'énergie calorifique gaspillée inutilement, Dieu n'a pas suivi son cours de gestion financière. Mais c'est peut-être pas gaspillé, ça peut servir, ça doit servir oui. À quelque chose d'autre. Ben ça sert, ça veut pas, ça sert pas. Parce qu'il est supposé avoir rien de perdu, rien de créé. Il n'y a rien de perdu non plus, puis il n'y a rien de créé non plus. C'est pas à cause que ça sert pas que c'est... Que c'est ça nous sert pas à nous autres, mais ça peut servir à d'autres choses. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais, non, ça sert... Si tu fermes la switch là, des oreilles, on va geler. Oui, mais ça sert à rien pareil. Bon, on pourrait revenir là-dessus, mais ça sert absolument à rien quand même. Bon. Sauf que l'énergie solaire, elle rayonne de tout partout, puis quand la planète Terre, quand une partie touche la planète Terre, une très très très infime partie touche la planète Terre, eh bien nous en bénéficions, nous la ramassons, nous la récupérons. On peut en faire de l'électricité, on en fait de la chaleur, évidemment on s'éclaire avec, etc. C'est extraordinaire, c'est impressionnant assez qu'on pourrait penser qu'il était placé là uniquement pour nous autres. Ça c'est de l'orgueil de l'homme. Ben c'est simplement parce qu'il ne comprend rien. Il ne comprend pas assez. Lorsque l'énergie supramentale circule, c'est similairement la même chose. C'est que nous sommes dans un rayonnement d'énergie supramentale qui ne vient rien récupérer. La lumière ne vient pas sauver l'homme de la noirceur. La lumière, la chaleur du soleil, le soleil n'est pas là pour réchauffer la planète Terre. Parce que regardez ce qu'il fait de Mercure, puis de Vénus, puis regardez ce qu'il fait de Mars, puis la gang de cons en arrière. Bon, il y en a qui sont gés, il y en a qui sont trop chauds. Puis nous, ben ça donne qu'on est chanceux, non? On est venu ici parce que c'est la seule place. Hein? On ne peut pas aller plus proche, on ne peut pas aller plus loin. Bon. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'énergie supplémentaire, c'est la même chose. Ça ne descend pas, ça n'est pas intentionnel, ça n'a pas d'intention, ça ne vient pas sauver, ça ne vient pas récupérer. Mécaniquement, il va se passer des choses, c'est-à-dire que autant que ça va être absorbé par la matière animée, donc la matière astralisée, mentalisée, donc l'homme, l'homme absorbe la matière par son alimentation, il absorbe aussi la matière par ses créations, c'est-à-dire par le changement de l'onde de forme de la matière, c'est-à-dire par l'expression d'intelligence à travers ses mains, à travers son cerveau, création de maisons, de formes, de coloris, d'ordinateurs, de navettes spatiales, etc. Lentement, l'intelligence, donc l'énergie supramentale, et quand on parle d'intelligence, c'est que l'être humain a souvent mis dans l'idée de l'intelligence, de l'intention, c'est-à-dire que lorsque l'être humain parlait de Dieu, il a tout mis dans le concept de Dieu, alors qu'on n'aurait pas dû. Il a mis l'amour, il a mis l'esprit, l'intelligence, il a mis l'intentionnalité. Alors que dans le concept de Dieu, à moins qu'on parle de plusieurs dieux, mais dans le concept de Dieu, le Dieu qui aime n'est pas intelligent. Le Dieu qui est intelligent n'aime pas. Le Dieu qui est intentionnel n'a pas besoin d'intelligence, il n'a pas besoin d'aimer, il est intentionnel, donc il n'a pas besoin de ça. Parce que si le Dieu intentionnel aime, c'est qu'il a décidé qu'il aimait, donc ce n'est pas de l'amour, c'est de l'intention. S'il était pris à aimer pareil, il n'était pas intentionnel. Donc, ce n'était pas de l'intention, c'est de l'amour, donc il n'est pas intentionnel. Ce qui fait qu'on parle souvent de la Trinité et on dit c'est trois de un. C'est trois différents, dans un concept global. Bon, lorsque l'énergie descend à l'intérieur de l'humain, l'énergie va permettre, l'énergie devient quelque chose dans l'humain, parce que l'humain est quelque chose à la base, et l'humain au contact de l'énergie devient réchauffé, exactement comme, est-ce que le soleil fait, est-ce que c'est grâce au soleil qu'il y a des fleurs dehors? Non. L'énergie du soleil pénètre dans la fleur, soit, et la fleur qui est déjà là et qui contient déjà tout, sauf peut-être l'énergie de l'ultraviolet, va se servir de l'énergie, va l'absorber. Est-ce que l'énergie vient sauver la fleur? Non. Par contre, la fleur, absorbant l'énergie, va être capable de transformer l'énergie solaire par la photosynthèse et va être capable de se servir de cela pour faire d'autres choses. Donc, la lumière devient matière, c'est évident, et en même temps, la matière, progressivement, a la capacité de grimper vers la lumière. Il y aura le phototropisme qui fait que la plante peut suivre l'orbite planétaire, enfin, disons, le mouvement du soleil. L'énergie supramentale, c'est similairement la même chose. Ce n'est pas intentionnel dans le sens comme on voudrait le mettre, le croire, le penser, le comprendre. On ne pourra jamais comprendre l'intention. Quand l'humain veut comprendre l'intention de Dieu, c'est incompréhensible parce qu'il n'y en a pas. Quand l'humain veut comprendre l'amour de Dieu, c'est incompréhensible, il n'y en a pas. Il faut que l'humain comprenne le phénomène de l'amour en fonction de la valeur réelle de l'amour. Il faut que l'humain comprenne le phénomène de l'intelligence en fonction réelle de la valeur de l'intelligence. Et c'est la même chose pour le plan intentionnel. Il faut que l'humain comprenne de façon différente. L'humain va comprendre globalement, progressivement, ces choses-là. Mais tant que l'humain veut associer tout cela dans le même gâteau, l'humain ne peut pas comprendre. Tout à l'heure, tu disais, quelle est l'intelligence de faire en sorte qu'un individu se ramasse face au trafic sans se faire tuer? Est-ce qu'en même temps, tu voudrais dire quel est l'amour dans l'intelligence qui fait qu'un individu se fait ramasser comme ça? Non, juste l'intelligence. Oui, mais on pourrait facilement comprendre cela. Oui. L'intelligence, mais la façon dont tu l'as posé, la question déjà là, t'es colorée, parce que quelle est l'intelligence de faire en sorte qu'un individu reste dans sa voie? Mais dans sa voie, c'est parce que c'est moins risqué. Ça donne rien d'aller tuer du monde ou de... Mais il n'y a plus personne. Alors, la question, est-ce qu'elle a de la valeur, d'abord, s'il n'y a pas de l'émotion là-dedans? Ben, c'était de risquer de tuer du monde. Oui, mais justement, c'est un risque, il n'y a pas de danger. Quelle est l'intelligence de ne pas tuer quelqu'un? Ben, ça veut dire, quelle est l'intelligence de tuer quelqu'un? Oui, mais quelle est l'intelligence de ne pas tuer quelqu'un? Ben, pour le risque, ça donne rien. Voilà. Donc, les deux questions n'ont aucun sens. Ils auront un sens uniquement si on veut mettre une valeur émotive. C'est pour ça que je dis que dans la question que tu posais tout à l'heure, il y avait quand même un cachet émotif. Dans le sens amour. C'est qu'est-ce que l'intelligence a à foutre de venir nous faire souffrir? Ben justement, elle s'en fout de toi. Donc, c'est qu'il n'y a aucune intelligence de te laisser libre, comme il n'y a aucune intelligence de te ramasser. De ce fait, si l'humain essaie de dire, ben l'intelligence doit avoir, si c'est pas l'amour, l'intelligence doit nous aimer parce qu'elle est capable de nous guider. Dieu aime l'homme parce qu'il sauve l'homme. Mais quand on regarde la scène de San Francisco, quand on regarde le Mexico, quand on regarde d'autres places comme ça, on se demande, ben alors, comment est bâti l'amour de Dieu pour permettre ça? Et là, l'humain ne peut plus rien comprendre. Et c'est pourquoi, si l'humain cherche à expliquer dans une logique humaine un facteur qui, où il y a d'intelligence, il n'y a pas d'amour, où il y a de l'intentionnalité, il n'y a pas d'intelligence, ce n'est pas nécessaire. L'humain ne comprend pas cela. Pourquoi? Parce que l'humain est capable d'associer dans son astralité, dans sa psychologie, et l'intention, et l'amour, et l'intelligence. L'intelligence dans l'astralité sera l'intellect. L'émotion, évidemment, on le connaît, c'est l'amour. Et l'intentionnalité, c'est l'illusion du libre-arbitre, le facteur de manipulation. L'humain pense, sauf que chaque fois que l'humain veut devenir efficace, il doit ne pas être émotif. Chaque fois que l'humain veut aimer, il doit ne pas être intellectuel, donc, ou encore intelligent. Chaque bon, etc. Même dans l'humain, l'humain ne peut pas exprimer les trois choses en même temps. Bon. Dans la compréhension cosmogonique du phénomène des dieux, c'est la même chose. Lorsque l'humain essaie de comprendre la mécanique, il ne peut pas la comprendre s'il n'est pas capable de dissocier ses trois composantes. Composantes de sa vision illusoire et composantes de son dieu. Dieu, si le dieu intelligent n'aime pas, il n'est pas assujetti à de la souffrance émotive, amour, donc il n'est pas assujetti à se poser la question, bon, est-ce que je fais bien de tuer, est-ce que je fais bien de ne pas tuer? Si la partie qui est intentionnelle, elle n'a pas besoin d'amour, parce que l'amour est ce qui va guider l'humain. Si l'amour guide l'intention d'un individu dans son action, c'est que l'amour devient le maître. Donc, l'intention n'est plus intentionnelle, elle n'est pas libre. Tu me suis? Oui. Bon. Et c'est la même chose pour l'intelligence, si on peut mélanger ça avec l'intentionnalité et le phénomène de l'amour. L'être humain sera capable d'associer dans l'intelligence un facteur d'amour. Sauf que son amour sera un amour intelligent, ce qui n'existe pas dans la création, ce qui n'existe pas non plus dans les mémoires archétypées de l'humain. L'humain ne connaît pas l'amour intelligent. Seulement, on a déjà demandé à Dieu l'amour intelligent. Seulement, à un moment donné, Dieu, enfin, un phénomène grégorien, a dit à l'autre en bas, il a dit, si je te donne ce que tu veux. Si tu veux, le plus grand royaume, tu les auras. Alors seulement, c'est pas ça que je veux. C'est le seul au monde, d'ailleurs, qui n'a pas voulu. Alors seulement, a dit non. Alors, si tu veux la paix, je te la donne. Non. Si tu veux, le Dieu a tout essayé. Quel genre de Dieu est-ce? À moins que ce soit un Dieu qui vérifie. Et seulement, Dieu lui dit, alors, ben, finalement, tu veux quoi? Puis seulement répondu, je veux, c'est un cœur intelligent. Alors, il nécessairement, il est encore très terrestrifié, au lieu de dire une intelligence qui a du cœur, un cœur intelligent. C'est quand même déjà un grand pas. Et là, Dieu n'a pas pu faire autrement que de répondre, bien voilà, je te donne ton cœur intelligent. Et avec ça, vient tout le reste. C'est évident. Sauf que vient tout le reste que Salomon pouvait envisager. Est-ce qu'il l'a eu? Il l'a eu. Vient tout le reste que Salomon peut envisager. Mais il n'y avait pas d'intentionnalité là-dedans, donc Salomon n'a pas eu de libre-arbitre. Alors il a eu le reste, il a eu 401 femmes, il a eu, bon, un paquet de choses. Qui à l'époque était... Ça, c'est un cœur intelligent, 401. Absolument. Parce que combien de femmes voulaient être sous la protection de Salomon? Sauf que le cœur intelligent de Salomon faisait que si une femme le manipulait, ça ne fonctionnait pas, même s'il l'aimait. Ça coûte cher de divorce, ça, 401 femmes. Non, ça coûtait cher de mariage, plutôt. Oui. Bon, il y avait 35 prêtres, juste pour maintenir les... Et puis, je ne sais pas s'il y avait 300 ou 400 psychologues, hein, pour les problèmes conjugaux. Mais en tout cas, le cœur intelligent, c'est la version descendante dans la conscience de l'homme. L'intelligence qui a du cœur, c'est la version ascendante de sa vision. L'intelligence qui, présentement, touche l'homme engendre des MTS, engendre des possédés supramentaux. Pourquoi? Parce que justement, elle n'a pas d'amour. Et là, l'humain va dire, ah ben moi, ça m'intéresse d'avoir tout d'abord, moi, je veux rien savoir, l'intelligence supramentale, pas d'amour là-dedans, mais rien savoir. Ah oui, il n'y a aucun problème. À un moment donné, l'être humain va vivre, et puis il va avoir sa sagesse qui va servir tant que la matière ne change pas. Tu sais, le berger est tout à fait sage, il t'explique comment traire le mouton, il t'explique comment faire attention à tout ouragan. Mais quand c'est des chars de sauble qui arrivent là, le sage, il t'explique plus rien, il ne comprend plus rien. Tant que l'univers ne change pas, le sage reste sage. Et le sage meurt quand l'univers change. Alors, l'individu qui refuse le phénomène supramental est un individu qui va simplement souffrir de plus en plus. Pourquoi? Parce que c'est inéluctable. Cela fait partie de l'avancement à travers les structures génétiques. Dans ton exemple de soleil de tantôt, qui est l'équivalent de l'énergie supramentale, c'est-à-dire que le soleil est là, il nous réchauffe, puis on n'y a rien demandé, puis lui non plus. Si l'énergie supramentale, c'est le même principe, si on veut imager l'affaire, est-ce qu'on peut dire que l'ego, on était, disons, sur une planète qui était un peu plus éloignée, puis qu'on s'approchait du soleil, puis on remplace le soleil par l'énergie supramentale? Non, on ne s'est pas rapproché du soleil. Ou le soleil s'est rapproché? Même pas! Non, mais il est devenu accessible. Non, il était là avant, puis il n'était pas accessible. Mais vois-tu, avant qu'on puisse faire des fours solaires, est-ce que, avant qu'on en fasse, c'est parce qu'on était trop loin du soleil? Avant qu'on puisse inventer des surfaces qui transforment l'énergie solaire en électricité, c'est comme si tu me dirais, tu sais, orgueilleusement, on a toujours eu ça, des fours solaires, disons, puis des cellules photoélectriques, on était trop loin du soleil, c'est tout. Non, c'est parce que présentement, l'évolution de la matière, comme l'évolution de l'homme, fait en sorte que ce qui a toujours été là, maintenant, commence à servir différemment, simplement. Ça a toujours été disponible, ça a toujours été accessible, on s'en est juste jamais servi. Ben, regarde, Mais on n'était pas équipé pour. On a fait de la vitamine D en masse. De défense, là. Oui, mais on a fait de la vitamine D en masse, nos corps physiques au soleil ont toujours bronzé. Et certains ont même réussi à se cancériser. Le soleil a toujours été là. L'énergie supplémentaire aussi. Absolument. Mais elle n'a pas toujours été accessible. Elle n'a pas toujours été accessible, elle n'a pas toujours été dans des mêmes créneaux. C'est-à-dire que nous sommes dans la galaxie éclipsée. Nous avons été éclipsés pendant un grand laps de temps de l'énergie supramentale. De ce fait, il restait les traces mémorielles galactiques de l'énergie supramentale, comme on retrouve aussi les traces mémorielles galactiques de la création du point de vue astronomique. Quand la Lune passe devant le Soleil, il n'y a plus de Soleil. Si la Lune aurait une orbite autour de notre planète qui serait l'équivalent en rétrogradation, disons qu'elle tourne dans un sens opposé à la translation de la Terre autour du Soleil, donc à la rotation de notre planète autour du Soleil, eh bien, on aurait toujours la Lune en face du Soleil, puis quand la Terre s'en va, si la Lune tourne par là-bas en même temps que la Terre s'en va, bien, en admettant que la Terre tourne, ce qui donne l'illusion que la Lune tourne autour, mais que la Lune reste fixe, eh bien, on serait toujours totalement éclipsé du Soleil. Donc, on aurait une grande nuit qui pourrait s'étirer sur plusieurs millions d'années, jusqu'à temps qu'un facteur différent change l'orbite de l'un des deux Gugus. Dans notre galaxie, il y a énormément de nuages. Bon. Et ces nuages-là éclipsent la planète Terre d'un foyer de rayonnement d'énergie supplémentale. Ce qui fait qu'après quelques millions d'années, de temps en temps, il y a le Soleil et tout son système de planètes passent dans une région où il y a moins d'éclipsage. Alors là, il y a comme plus de lumière. Et nous approchons depuis plusieurs années d'une région qui n'est pas éclipsée au niveau de la galaxie. Et ça va s'éterniser jusqu'à l'an 2023. Éterniser, de façon de parler. Ça va être totalement éclairé pendant cette période-là? Là, ça l'est. Est-ce que ça l'est totalement éclairé ou non? C'est beaucoup plus éclairé. J'ai dit dans des conférences du passé qu'on aurait des signes de l'avancement de l'énergie supplémentaire, surtout au niveau du Québec, par exemple. Ces derniers mois, on a parlé beaucoup de l'éclatement de certaines personnes. Il y a des individus qui vont se libérer. Et j'ai expliqué aussi que le baromètre majeur de l'évolution de la conscience supramentale dans le contexte non-planétaire était certains saints. Hein? On a parlé suffisamment, on a parlé de Saint-François, on a parlé des anges, on a parlé de Saint-André. Bon. Et on parle depuis quelques mois de l'éclatement. On en parle en conférence spéciale, on en parle aussi en conférence régulière. Et il y a des individus qui sont en train de s'en sortir. Et on a expliqué aussi que nécessairement, lorsque ça fonctionnerait, eh bien, Saint-François serait tellement ébranlé par Saint-André qu'il serait content, bien qu'il y aurait des signes, des symptômes matériels. Tu me suis? Oui. Bon. Vous suivez? Parce que Saint-François ou San Francisco ou Saint-André puis Sainte-Anne de Léas puis les anges ou Los Angeles, mais c'est la même chose, on en a parlé suffisamment de fois. Et effectivement, depuis ces derniers temps, on parle normalement d'éclatement. Bon, on en parle, d'autres le savent aussi. Mais l'éclatement se fait au niveau terrestre en même temps qu'au niveau supplémentaire. C'est qu'il y a des régions planétaires qui servent uniquement d'antennes pour préserver d'autres régions planétaires, et ces antennes servent à récupérer toutes les spiritualités du monde, tous les phénomènes émotifs astrales, toutes les visions cosmogoniques émotivisées de l'univers, et l'intelligence supramentale est repoussée par ces régions et s'en va là où il n'y en a pas, ou encore où il y en a le moins. Et où il y en a le moins, l'individu va évoluer dans une conscience plus mentale. Et on sait très bien que le San Francisco comme Los Angeles sont des villes qui ont la plus grande quantité de sectes différents au monde. Bon, quand on parle de centaines de pages dans l'annuaire téléphonique où c'est juste des sectes, tu peux fouiller San Francisco, c'est énorme. C'est un réservoir qui cumule l'astralité, la vision émotive pour libérer d'autres parties planétaires. Comme ici à Montréal, une des régions, un des endroits, par exemple, qui cumule la plus grande énergie de satanisme chrétien ou catholique, c'est l'oratoire Saint-Joseph. C'est bâti uniquement comme antenne de préservation. Détruisez-la et vous verrez ce qui va se passer. Ça va ressembler un peu à SOS Fantôme quand ils ont fermé l'électricité. Hein? Bon. Il va y avoir une libération d'un paquet de phénomènes intéressants. Pour le professeur Beckman, c'est intéressant à tout le monde. Alors, il y a des signes. Il y a donc des choses qui se passent dans la matière et l'individu qui se conscientise. L'être humain est toujours en train de demander des preuves. C'est l'ego qui veut des preuves. Mais l'ego, il veut toujours des preuves. Pourquoi l'ego veut des preuves? Pour se rassurer. Non. Pour se rassurer, oui. Mais pour se prouver que ce n'est pas vrai. Il demande une preuve qu'il sait qu'il n'aura pas. Et c'est pourquoi chaque fois qu'un ego a la preuve, il est terrorisé. Tout le temps. Il ne voulait pas dans le fond. La preuve était. Pour prendre une personne qui dit, ben moi, je vais croire au fantôme, mais il faudrait j'en vois un. Tu sais, si j'aurais une preuve, je pourrais y croire. Mais il faudrait qu'il y en apparaît un, quand par louche là, c'est fini. Mais les symptômes des saints là, à San Francisco puis Saint-André, les fissures qui se passent sur le globe, le tremblement de terre, il est physique, il est terrestre, il est réel. Le reste aussi, tu vas me dire, est réel. Mais ça avait été prévu depuis longtemps qu'il y avait des fissures. Parce que beaucoup de gens qui s'y fient, sûr. Mais les sectes sont arrivées après que les sismologues ont prévu qu'il y aurait un tremblement de terre ou un... ou en même temps, ou ça va d'importance? Les êtres humains, les êtres humains manipulés par leur émotivité vont toujours se réunir sur les bouches de ce qu'eux appellent la mer, la terre. J'en ai déjà parlé, les bouches de la mer, la terre, sont des endroits telluriquement très actifs. C'est par là que la terre parle à l'homme. L'humain vit énormément de manipulations intraterrestres. L'humain vit, dans ces régions, l'humain vit énormément de contacts émotifs avec des archétypes, avec ses ancêtres. Nécessairement, là où il y a des fissures, on retrouve des grandes villes. Et il y a énormément d'archétypes hyper traditionnels là. C'est dans ces régions-là qu'on a le plus de difficultés à briser les vieilles formes. On peut parler des Japons qui sont extrêmement sur des régions extrêmement bougeantes et qui se sont libérés de leur féodalité traditionnelle uniquement par l'explosion de bombes nucléaires. Puis encore, leur façon de voir les choses reste encore reliée à la Bushido, qui était le code d'honneur du guerrier, du samouraï. Même s'ils ne se font plus harakiri, ils se suicident simplement maintenant quand ils sont morts, parce qu'ils ne peuvent pas vivre avec ce déshonneur. Bon, alors on a changé simplement des choses, on a négotipé, mais on n'a pas encore détruit de vieilles formes. Les sectes se réunissent là où il y a du sacrifice humain possible, là où il y a énormément d'émotivité, là où il y a possibilité de communication avec le passé. Alors les sectes se sont pointés là, les failles existaient bien avant les sectes, mais c'est pourquoi les sectes y ont été. Est-ce que c'est pour ça aussi que de la Californie, on va avoir, par exemple, on prend cet endroit-là, on va avoir un paquet de nouvelles modes, de nouvelles, aussi bien dans les vêtements que dans les automobiles ou n'importe quoi, qui vont venir de ces endroits-là parce que c'est l'ego qui est le plus fortement expressif? Oui, parce que c'est dans ces endroits-là que l'émotivité, que l'astralité est le plus en contact avec l'humain. C'est pourquoi d'ailleurs on aura les grands studios de production cinématographique, on aura Hollywood, etc. Et effectivement, c'est la majorité des êtres humains extrêmement sensibles qui sont totalement manipulés par l'obligation d'exprimer la sensibilité astrale, vont se pointer, vont vivre dans des régions, dans des micro-sociétés totalement adaptées à leur expression. Parce que mentalement, intelligemment, il me semble que tu ne vas pas te bâtir, tu ne vas pas vivre dans un endroit où c'est dangereux que la maison tombe. Parce que ça ne fait pas partie de ton intelligence. Mais intelligemment, si tu veux devenir un bon peintre, ou si tu veux créer des super productions, tu vas dans la région où il y aura le plus de facilité d'accès à de l'imagination extraordinaire. Alors, tu te ramasses nécessairement dans une région comme ça. Si tu es un créateur, un chanteur, un artiste qui... C'est un bon endroit d'aller... Ou encore, c'est un prieur. Ben, les sectes ne sont pas là pour rien. Il y a énormément d'énergie tellurique qui sort, mais ça sort là-bas. C'est extrêmement... Mais c'est transmis sur le reste de la planète par les modes, par la musique, par les cinémas, justement, par les Absolument. Films. Sauf que, étant donné qu'ils sont énormément, sont suffisamment nombreux là-dedans, eux autres, même si c'est transmis, ils absorbent la majorité de tout ce qui astralement est créé, ou encore ils vont absorber la majorité de ceux qui meurent astralement, qui sont reliés à ce genre de phénomène, ou phénomène d'artiste, ou spiritualité, enfin ceux qui sont émotivement attachés à leur vision du monde. Ceux-là se réincarnent à peu près toujours dans ces régions-là, ce qui libère une grande partie des consciences spirituelles pour qu'eux se libèrent dans des régions planétaires où il y a moins de problèmes. J'ai dit que plus l'être humain évoluait, plus il y aurait des régions planétaires qui subiraient les contre-coups. Quand l'Union soviétique a décidé de se libérer un peu plus, la partie la plus pauvre de l'Union soviétique est passée à payer avec des tremblements de terre. On parle de l'Ukraine et de d'autres régions du genre. C'est régulièrement toujours la même chose. Parce que présentement, au niveau de la partie nord planétaire liée à l'Amérique du Nord, il y a des êtres humains qui se conscientisent. Nécessairement, il y aura des êtres humains qui devront supporter le poids pour permettre à ceux qui se conscientisent d'être libres. Et l'être humain va encore dire une fois, « Oui, non, ça n'a pas de maudite allure, c'est totalement injuste. » Mais qui parle de justice? Amenez-moi le meilleur prêtre, le plus grand gourou du monde, puis qui vienne me dire, me montrer une preuve de justice à la planète. Ça n'existe pas, la justice sur la planète, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La justice de l'un était injuste par rapport à l'autre, ceci, c'est cela, de l'autre. Il n'y en a pas de justice. Avant d'arrêter un voleur, il faudrait qu'on soit juste, qu'on les arrête tous en même temps ou pas un seul, sinon c'est injuste. Tu n'arrêtes un, puis l'autre continue à courir. Il n'y a pas de justice. La justice est une illusion humaine. La justice est une illusion lui permettant de supporter l'idéal qu'un dieu quelconque s'en occuperait si l'humain s'aplatirait suffisamment pour respecter des commandements. La problématique, c'est qu'on a envoyé plusieurs dieux donnant des commandements différents. Puis c'est un point de vue, la justice. Ça dépend. Ben, c'est uniquement une question de point de vue, la justice, il n'y en a pas. C'est une question de mécanique, une question d'intelligence. L'intelligence est plus puissante que le phénomène de l'amour, parce que l'intelligence est plus accessible à la matière que le phénomène qu'on appelle souvent le plan bouddhique, le phénomène de l'amour. L'amour qui n'est pas émotif, l'amour qui n'aime pas. Bon, c'est de l'amour réel, ça n'aime pas. Quand ça commence à aimer, c'est sélectif. Quand c'est sélectif, c'est plus de l'amour. Étant donné que l'intelligence est plus proche de l'homme que le phénomène de l'amour, quand dans la religion catholique, on parle de l'Esprit Saint, on parle donc du Saint-Esprit, c'est la même chose, un esprit pur, non coloré, on parle du Fils, symbole de l'amour, et on parle du Père, symbole de l'intentionnalité. Mais l'Esprit Saint descend avant, le Fils vient en deuxième, c'est le phénomène de l'amour, il est moins accessible à l'homme. L'homme ne peut pas comprendre sans problématique ou sans émotiviser le phénomène ce que c'est que de l'amour. De ce fait, lorsque l'humain essaie de comprendre pourquoi l'intelligence agit ou oblige des contre-réactions comme on en connaît sur le plan planétaire, l'individu qui essaie de comprendre à partir de l'apprentissage, autrement dit, qui essaie d'apprendre, non pas de comprendre, mais qui essaie d'apprendre pourquoi ça se passe. La compréhension est mentale, l'ego ne comprend rien, l'âme ne comprend rien, la psychologie ne comprend rien, l'apprend. Donc l'individu qui astralement veut comprendre, donc l'individu en réalité qui veut apprendre pourquoi, comme le scientifique qui dit, oui, mais je veux comprendre pourquoi le virus traverse. Bon, une fois qu'il l'a compris, il l'a compris, il l'a appris. Il décrit le processus. Il n'a pas compris le processus, il décrit le processus. On décrit comment une plante pousse, mais on n'a pas compris pourquoi ça pousse. Mais on décrit. On n'a pas su la compréhension, c'est l'illusion de l'ego. Lorsque l'individu essaie de comprendre tout ce qui arrive au niveau du phénomène planétaire, l'individu arrive, va passer par des phases émotives et astrales de rejet, d'intelligence. Pourquoi? Parce que l'intelligence n'est pas intelligente. Pourquoi l'intelligence n'est pas intelligente? Et parce que l'intelligence ne devrait pas faire souffrir les individus. Ah, pourquoi? Et là encore, on revient avec le facteur de l'émotivité qui est sous-jacent, qui paraît qu'il est peut-être bien caché, mais qui est quand même là. Le fait que la Californie soit un endroit où on produit beaucoup de films, beaucoup de musique, etc., puis qu'au Québec, ça m'américanise, c'est-à-dire qu'on va importer cette culture-là. Non, faut faire attention. Bon, on l'importe actuellement. Pourquoi ce n'est pas les Américains qui sont en train de se canadieniser? Peut-être, mais là, la question est, on parle de libération du Québec, Québec ésotérique ou Québec politique depuis un certain temps. Est-ce que c'est dans ce processus-là que le Québec va grandir, c'est-à-dire se détacher de ce qui est américain? Parce que ce qui est américain, si ça vient de la Californie, comme tu disais tantôt, c'est astralisé. Hein? Bon, si on arrête de s'assujetter, pas s'assujetter, ouais, mais de se laisser envahir par ça, est-ce que l'évolution supplémentaire va se faire plus rapidement? Plus rapidement, non. Plus confortablement, oui. Où est-ce qu'on va arriver là? Ouais, l'individu le plus potentiellement probable pour permettre une séparation du Québec, c'est Robert Bourassa. On le sait. En faisant des gaffes? Non. Non, on décidait simplement qu'une libération, une séparation politique peut être intéressante. Par surprise? Non, pas par surprise, par écœurement. Il croit à quelque chose et puis on fait tout pour lui prouver que continue à y croire le cave, mais tant qu'il y croit, ça va bien. Mmh. À un moment donné, il ne croira plus. C'est une solution envisageable. Puis c'est sans doute déjà envisagé. En tout cas, s'il ne sait pas, c'est envisageable pareil, là, mais... Il faudrait qu'on le dise. Le Québec... s'américanise pas, il y a des contacts, évidemment, le Québec n'est pas colonisable. Il aurait été colonisé depuis longtemps, il aurait été anglicisé depuis longtemps. Le Québec n'est pas colonisable. Il colonisera beaucoup plus qu'il sera colonisable. Et il veut se séparer, alors il y a beaucoup d'autres provinces qui veulent se séparer, mais le maître d'œuvre, enfin la pointe de lance là-dedans, c'est le Québec. Si le Québec se sépare, le Canada, il n'est plus. Il va rester 3 provinces à s'assier ensemble. Puis les autres vont peut-être libérer. Donc, Il n'y a pas d'accélération de l'évolution supplémentaire. On parle encore une fois, il faut faire attention à une chose, c'est qu'au niveau collectif, il n'y a pas d'accélération. L'individu, par exemple, l'individu va se libérer quand ça va être le temps, mais en même temps, si l'individu comprend des choses, il va le temps, il va jouer avec. Donc, quand il va se libérer, ça va être le temps. Et non pas, il ne se libérera pas quand ça va être le temps. Par contre, au niveau d'une masse, au niveau d'une collectivité, tu ne peux pas jouer de la même façon. Parce que l'évolution étant individuelle, nécessairement, la masse est assujettie à une évolution collective. Et l'évolution collective est une évolution qui est totalement mécanique, qui n'est absolument pas contrôlable par aucune forme possible de liberté, qu'elle soit de la conscience. Il n'y a pas de conscience dans une masse. Il y a une conscience dans les individus qui constituent une masse, mais l'individu qui n'est pas suffisamment individuel ou qui est trop collectif devient totalement massif dans sa conscience, donc il devient dense. Donc, du point de vue du Québec, il n'y a pas d'accélération du processus d'évolution, par contre, donc américanisation ou non, sauf que ce sont des choses qui doivent permettre aux égaux, donc à la psychologie de l'ensemble du peuple canadien et américain, de pouvoir apprendre, donc de pouvoir s'expliquer pourquoi ça a donné ça. Regardons ceci. On fait une campagne publicitaire et on dit, la théorie dit que si on met un produit sur le marché et puis qu'on dit c'est du nouveau et du amélioré, eh bien ça va pogner. Bon, alors on met le produit sur le marché, puis une fois qu'on l'a mis sur le marché, eh bien on vend deux fois moins. Et là on dit, ah oui, mais c'est évident, c'est à cause qu'on a fait ça. C'est, on sait toujours tout après nous autres. On ne sait jamais rien. Hein. Là, on change la formule et puis là, on s'essaye. Puis là, on prévoit que ça va marcher. Puis finalement, ça fonctionne. Ah, tu vois, on savait, ça cause que ça. Ça a peut-être marché pour ça. Peut-être pas en tout pour ce que tu avais dit. Mais tu peux pas savoir. Puis à un moment donné, ça tombe encore. Ah, mais là, c'est à cause de si, tu sais, on sait toujours après. L'évolution de l'humanité, c'est un peu la même affaire. Pour que les égaux, pour que l'humain puisse être capable de c'est pas encore tous les hommes qui sont prêts à comprendre ou à apprendre qu'ils sont manipulés. Il y en a plusieurs qui ne sont pas structurés psychologiquement ou neuroniquement pour supporter cela. Donc, quand ils ne sont pas capables de le supporter, c'est important qu'on entretienne l'illusion qu'ils ont les barbites. De ce fait, on doit leur dire, vous avez fait une erreur. Ou vous avez réussi. Le Québec va se séparer, ou se séparera pas politiquement, énergétiquement, va se séparer, mais qu'il le fasse, qu'il ne le fasse pas. Pourquoi on doit s'américaniser? C'est parce qu'on doit pouvoir dire, ah, c'est à cause qu'on s'est fait américaniser, qu'on s'est écœuré. On doit, présentement, tout ce qui se passe, c'est pour nous permettre d'avoir des raisons à s'expliquer. Parce que la majorité du peuple américain ou canadien ne serait pas capable de supporter subitement l'idée qu'ils n'ont rien à voir avec le vie. Bonne semaine à tous. La semaine prochaine, la conférence du 25 octobre, donc au LDN Longueuil, du 9 dans la conscience supramentale. À la semaine prochaine.